que je suis Dieu, le créateur. Je n'ai pas engendré et je n'ai pas été engendré et nul n'est égal à moi. Nul n'est égal à moi. C'est exactement ce qui est écrit. C'est ça l'islam. Dieu, il est tout puissant. Il n'est pas semblable à nous, à qui que ce soit. Il n'est pas. Bon, dans ce cas, pose-moi la question. On se situe maintenant sur deux endroits. Qui a dit dans la Bible que voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon attention? Il a engendré aujourd'hui. Ok. Ça, c'est la question, c'est le français qu'on parle. C'est Dieu. C'est Dieu qui a dit. À qui? À Jésus. Oui. C'est deux personnes. Oui. Dieu a dit. Oui. Deux personnes. Oui. Je recommence encore. Dieu a dit ceci. D'après le Coran, là, Dieu n'engendre pas et il ne peut pas être engendré. Mais c'est même Dieu dans la Bible dit. Le problème, c'est que. En qui j'ai mis mon Le problème, c'est que. J'étais dit la dernière fois que. Voilà le problème qui se pose entre nous. Le Fils. Et Dieu. Parce que la partie qui est mentionnée, fils, l'islam rejette catégoriquement. Pourquoi? Pourquoi? Parce que lui, il a dit, il n'engendre pas, il n'a pas été engendré. Doucement, je dis ici, n'est-ce pas? Il nous a dit dans le Coran 4 là. Oui, je comprends. Je te comprends très bien. Je veux qu'on regarde quelque chose. Dieu peut-il dire quelque chose et venir dire le contraire? Je peux te dire que la partie là, c'est les hommes qui ont dit à la place de Dieu. Dieu n'a jamais dit que Jésus est mon fils. Fils. Ah. Attends, parce que lui, il n'a pas besoin, besoin d'un fils. Parce que, n'est-ce pas, comme il a annoncé de la Dalassa. Il dit, n'est-ce pas. Donc, c'est vraiment dit que, d'après ce que tu dis là maintenant, si ça disait comme le Coran dit, tu devais croire. Tu ne devais pas rejeter, non. Quoi? Il dit, n'est-ce pas, là où il est écrit que voici mon fils bien-aimé en qui, c'est Dieu qui dit dans sa propre bouche, que voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. N'est-ce pas? Ok. C'est que tu dis que ce n'est pas Dieu qui a dit ça, c'est l'homme qui a dit que Dieu a dit. C'est parce que ça ne concorde pas avec ce que l'islam dit, non? L'islam dit. Maintenant, si on se met sur ce piédestal. Voilà, parce que regarde, l'islam nous a dit que tous les livres, tous les livres que les prophètes ont envoyés, ils ont été détruits et contredits. Mais l'islam, attends. Là, alors, on va entendre des accords maintenant. Quel verset coranique dit ça? Je m'en souviens pas trop parce que peut-être toi tu peux même connaître les Coran mieux que moi. Parce que moi je connais seulement en tradition arabe, mais en français là je n'ai pas totalement dit. Oui, mais tu attends, mais si en arabe, ce que tu as cité là maintenant, c'est tout pas de Coran. Ça c'est dans la tradition musulmane. C'est ce qu'il est dit, n'est-ce pas? Voilà le problème. Comment se fait que Allah ne met pas quelque chose dans le Coran et toi en tant que musulman, le Coran te dit clairement que Dieu a révélé ce que Dieu a révélé, le Coran est total. C'est bien clair pourquoi on ne peut pas donner d'interprétation. Dans ce cas, pourquoi tu vas aller dans la tradition pour chercher ce qu'Allah n'a pas dit? Moi, je ne suis pas allé dans la tradition. Parce que dans le Coran, la tradition, pas été... je t'ai dit que le Coran. Pas la tradition, il parle des hadiths. Attends, c'est les hadiths que tu vois là. Les hadiths là. Le Coran, c'est la parole de Dieu lui-même. Ça veut dire que ça devait suffire. Il n'y a pas de parler de prophète ou bien les envoyés, tout qui que ce soit. Jamais. Mais le truc, c'est l'explication. L'explication. L'explication de quoi? L'explication du Coran. Maintenant, comment donc dans ce Coran, c'est l'explication. Je comprends. Il dit, n'est-ce pas, comment donc le Coran, Dieu dit dans le Coran, c'est que il a donné les choses de façon claire, il a expliqué les choses de façon détaillée. C'est le mot qu'il a utilisé en arabe, détaillé. S'il a donc donné dans le Coran de façon détaillée, pourquoi alors regarder autre définition quelque part? Mais justement, il faut d'abord faire les explications pour mieux comprendre. Donc, il dit que dans le Coran, il a donné les choses détaillées. Il y en a aussi les gens qui comprennent toujours sans toutefois aller dans l'autre. Mais tout ça pour sauver peut-être, parce que regarde, c'est la seule langue que Dieu veut que tout le monde entier utilise, c'est l'arabe. Mon cher, seule langue. Mon cher, je dis, voilà. Les hadiths sont écrits 200 ans après le Coran. 200 ans. Entre temps, donc, ceux qui lisaient le Coran ne comprenaient pas. Ils comprenaient toujours. Dans ce cas, pourquoi on a besoin des hadiths encore? Mais maintenant, comme maintenant c'est pour toute l'humanité tout entière, n'est-ce pas? Nous, parce que c'est en langue arabe. L'humanité doit apprendre l'arabe. Écoute, c'est la langue arabe, n'est-ce pas? Les Arabes comprennent quand même mieux que l'arabe plus que quiconque, non? Bon, maintenant, pour que les autres, tout le monde entier essaie de comprendre, il va falloir leur expliquer. Mais les Arabes comprennent parce que c'est leur langue. Tu vois? Donc, ça veut dire que si l'arabe lit le Coran, il doit comprendre directement. Ça, on va passer à par les hadiths. Un arabe, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'un arabe, s'il lit le Coran en arabe, il est bien arabe, n'est-ce pas? Il n'a pas besoin peut-être d'aller qui que ce soit lui donne des choses. Il comprend parce que c'est

Il a dit quoi? Les disciples ont posé la question que Seigneur, est-ce en ces temps que tu vas restaurer le royaume d'Israël ou tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il a dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments où le Père a sa propre autorité. Ce qu'il a dit, c'est que quoi? Sa première mission, ce n'était pas pour perdre Israël. Voilà ce qu'il faut comprendre. Jésus-Christ a double identité dans sa mission. Premièrement, il faut que sa nation, parce qu'il faut qu'il sorte là-bas, il dit, le salut vient d'Égypte. Il sort de là pour que sa loi puisse être établie partout. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que Jésus a double mission d'abord. Il faut qu'on soit face à cette base-là. Étant venu chez la nation, il va encore revenir, comme vous en êtes d'attendre là. Les Juifs, pourtant, les Juifs qui sont là maintenant ne connaissent pas Jésus qu'on a dit le prêcher, les chrétiens prêchent. Donc, ils attendent leur mission. Donc, maintenant, tu veux me dire que tous les chrétiens qui disent que Jésus n'est pas Dieu ne sont pas des chrétiens. Tous les chrétiens qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Parce que la Bible a dit. Ne sont pas des chrétiens. La Bible dit que quiconque nie que le Christ n'est pas le Fils, il n'a pas non plus le Père. Non, j'ai dit Dieu. Le Fils, on est d'accord. Oui. Il est le Fils. J'ai dit les gens qui disent qu'il n'est pas Dieu. Oui. Ce ne sont pas des chrétiens. Si un chrétien dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Parce que regarde, hein. Attends, si un chrétien qui est fils. Mais c'est un chrétien. Je veux dire, un chrétien. Oui. Il y a les chrétiens qui croient que Jésus n'est pas le Dieu, le Créateur, mais il est simplement le Fils. Le Fils. Mais il y a les chrétiens qui croient que Jésus est à toute fois le Créateur. Oui. C'est lui le Dieu, tout. Bon, maintenant, je dis à ceux qui ne croient pas qu'il est le Créateur, là, ne sont pas. Ils sont chrétiens. Ils sont pas les ils chrétiens. Sont chrétiens. Hein? Ils sont chrétiens. Parce pourquoi, pourquoi alors il y a deux. C'est exactement comme chez les musulmans, il y a les sunnites et les chiites. Mais on non, écoute, les chiites et les sunnites, on est toujours d'accord à l'ensemble. Ah. Le prophète et les prophètes. Attends, il pose une question. Il pose une question. Les chiites prient les saints. Vous priez les saints? Jamais. Ah, maintenant, pourquoi on ne croit pas aux saints? Aux saints? Oui, les saints, c'est des saints. Non, pas les saints, les anciens prophètes. Les chiites ont des endroits des anciens prophètes Ali. Même la tête d'Ali ne peut pas le prophète. Lui-même, il a dit qu'après lui, il y a peut-être 70 ou 77 d'islam qui va diviser, mais il y a un seul vrai islam. Qui mais maintenant, c'est lui qui a maintenant, dit. Maintenant, l'islam vrai islam, c'est lui qui a dit. C'est Jean qui est toujours avec le prophète. Mais d'accord, Ali dit qu'il est avec le prophète. Hein? Othman dit qu'il est avec le prophète. Ousmane dit qu'il est avec le prophète. Non, les gens là ne sont pas avec le prophète. Ils ne font pas l'œuvre de prophète. Qui? Parce que, oui, les chiites. Les chiites qui font le truc là, c'est pas. Mais dans le Coran, dans le Coran, il n'y a pas d'amour. Le Coran, il y en a. Voilà. Quel dans le Coran, je n'ai jamais vu là, le Coran. Tu as le Coran chiite. Mais c'est quand même curieux ça. Non, quand tu vas venir, je vais te montrer le Coran chiite. En tout cas, ça me dit. Parce que, n'est-ce pas? Ok, attends, je pose une question. Tu vas me dire si tu connais le nom aussi. Allah. Tu connais, tu as entendu parler Allah, Ouza et Almanac. Dans le Coran. Oui. Non. Tu ne connais pas les je peux te montrer ça le Coran. Non, je n'ai pas. En tout cas, vous ne dites que n'est-ce pas Allah, Almanac et Ouza. Tu connais les trois là dont on parle? Non, je ne connais pas. Ok, donc on va voir de qui il est question. Pourquoi tu vois très bien que dans le Coran également le chiite et le Coran c'est. Je vais donner juste un petit exemple avant de partir. Parce que lorsque Jésus dit que je suis chemin, vérité et venu ne pas au Père, ça ne se pas. Il y a deux personnes. Lorsque dans Jean 14, verset 1, il dit que croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Deux personnes distinctes. Pourquoi dit-il soit croyez en Dieu, croyez aussi en moi? Il a dit croyez en moi et sur Dieu. Mais croyez en Dieu, croyez en moi. Ok. Lorsque Jésus dit que moi et mon Père nous sommes un, c'est dans l'unité, c'est pas dans l'unicité. Ok. Un, c'est l'unicité, c'est l'unité. L'unité, dans l'unité. L'ensemble de ça. Moi, et en dehors de Jésus, il a parlé comme ça. Non, j'ai dit que moi et mon Père, nous sommes un. Parce que là, ça, c'est juste qu'il a parlé. Ça, c'est juste qu'il a parlé, non? Justement. Ah, il dit que n'est-ce pas. Est-ce que toi, quoi que ce que Jésus dit, forcément, il faut que la même personne. Jésus, il a aussi répété la même chose que Moïse. Mais je l'ai dit ici, n'est-ce pas? Parce qu'on le pose toujours des questions, il veut voir, il dit que non, moi et mon Père, nous sommes un. Ok, c'est que non, montre-nous à l'Europe, il dit que non, si vous voyez, ça va. Parce que c'est des questions pièges qu'on le pose. Regarde, il le répond. Je suis d'accord. Mais vu que, à moins que tu n'as pas fait ce constat, tu n'as pas constaté que le langage de Jésus, ce qu'il réclame être, est totalement différent de tout autre prophète. Justement. Pourquoi? Justement. Pourquoi? Parce que c'est à lui seul qu'on a posé ce genre de questions. Comment Jésus est la vie? Là-bas encore, c'est autre chose. Parlons, j'ai dit, n'est-ce pas? Je vais donner un exemple de moi et mon Père, nous sommes un. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, et les deux attachera, deviendront une seule chair. Est-ce que toi, avec ta propre femme qui est là, vous avez une chair? C'est deux personnes. C'est deux personnes, frère, oui. Exactement, Dieu et le Seigneur. Donc, viens alors, il te parle. Non, mais ça me dit, regarde. À quelle heure alors? Ça me dit, ça devait être le matin pour que. On est du temps. Même 7, 8 heures du temps. Mais tu as le Coran en arabe, non? Oui, en arabe. Donc, si tu peux appeler en arabe, comme ça, c'est. En arabe, mais un côté en français, oui. Donc, je préfère qu'en venant, tu viens avec ça. Comme ça, c'est dit qu'un surat, tu vérifies que c'est ça qui est écrit. Exactement. Mais si je viens vous dire. Oui, exactement. Il y a quelqu'un qui est souvent là.